cigare, Monte Cristo, futur ténébreux, triste esprit halogène. Au micro, j'ai la rime lacrymogène. Aimer sa mère, plus que chaque chose, on pose. Le père à gauche, le 11, tous et sur 12. Ici, on se crève tous. Les mêmes rêves, déceptions communes. Les pères ont des fils qui deviennent leurs pères en faisant des fils comme eux. Recto verso, les mêmes vies, recto flouze. Merco Benz verso, les mères se lèvent très tôt pour des petites sommes. Dans les fils tchatch, même tac d'adas, plein de chichis. S'achète le même tas de sap cher, ainsi si. La vie est une chanson, ils en sont au refrain. Et à la fin de chaque couplet, ils se répètent. J'ai rien. Tous gosses grillés d'immigrés sans fric, rêvant d'un fils à la fac. On se dit fort que la school est son BEP. C'est l'automne toute l'année, je suis un arbre. Les potes tombent de mes branches, les juges restent de marbre, ils me laissent navrer. Je prends pas que moi, mais toi aussi, je sais que tu sais si tu choisis d'en rire devant tes potes, je sais que chez toi t'es die. Sapristi, quel triste texte. J'essaie d'être gay, mais j'écris ce que j'ai. Je choisis pas comment vivre. La course contre la montre, ils m'auront pas les mots. Je suis ce que l'on devient. 19, je me suis fait tout seul, je peux te faire. L'esprit m'a vieux. Boxe mon Puccino, topo, cache le sac à poncho. Des mêmes sujets, on met sur pied des projets, on met le budget, on se fait plumer, et tous les espoirs partent en fumée. J'ai échoué tant de fois quand j'essaie quelque chose, cette chose. Dis-moi, dis, t'oses encore bosser. Ouais, j'ai donné, j'ai repris, j'ai aimé, j'ai même trahi. Y'a que maintenant que j'ai vraiment pourquoi ta mère me haïe. Sont-ils cools quand ils me guettent comme sous hypnose? J'doute que leur but soit autre chose que de nuire. Une manière de dire pourquoi t'es pas pire que nous dire qu'on riait toi quand t'étais gentil. On se dit tous les jours qu'on recommence à zéro. Positif dans la tête, mais pas vraiment au fond de son cerveau. J'ai 20 ans, 4 ans de rap et 16 ans de questions sur la vie et ses principes. Pendant que d'autres cherchent leur valeur dans des clips. Tu sais, chez moi on est tous tranquilles, y'a que toi qui parle fort. Y'a que toi qui joue les ouf, donc forcément y'a que toi qui a besoin de renfort. Pour vivre libre, j'ai besoin d'ennemis pour gérer ma haine. Je peux jurer que les mauvais amis ça aide, Fletch. Parce que tout seul t'es qui, t'es quoi, fais quoi. Tu fais comme tout le monde, tu marches au pas, tu sais quoi. De là, banlieue à Paris, 9, 3, 20, moins 1, les gars se croisent avec des regards nerveux juste parce qu'ils sont voisins. C'est naze, putain c'est vrai que c'est naze, toutes ces phases, juste pour montrer qu'il te manque une case. Je choisis pas comment vivre. C'est la course contre la montre, ils n'auront pas les mots. Je suis ce que l'on devient. 9, 3, il s'est fait tout seul, peu de fun. L'esprit m'a vieux. Texte baba tout pour cacher chacun pour soi. L'amour, ça anime la haine qui amène à mourir. Mes yeux sont secs, ne peuvent pleurer. Larmes de feu m'éprouvent peu preuve d'un cœur qui ne bat plus. Cependant, je dis bonjour, bonsoir au crépuscule. J'ai le sens du respect, je m'excuse quand je te bouscule. En fin de compte, on voit qu'il n'y a pas grand chose de positif. On sait que la vie n'est pas rosée, pourtant on cause toujours des mêmes kiffs. Les mêmes spliffs consumés, les mêmes filles qu'on nique. De notre vie qui font comme un King Kong à la noix. Exact, c'est comme ça que je la vois et puis c'est comme ça que je me vois. Plus tard, loin de tout, mais surtout près de ceux qui respirent le même air que moi. Mes partenaires de galère, ma mifa. Black Mafia éliminé qui la défia. Je suis ce que l'on devient. Jimmy, je m'imagine pas qui peut nous châtier. L'esprit m'a vieux. Prochaine double cache chacun pour nous.